Aïe Alice, c'est elle qui est venue me trouver, pour que je lui parle, pour que je lui raconte tout.